Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Ça y est, c'est le moment de la courte échelle, le hors-série. Et dans ce numéro, eh bien, nous allons, vous et moi, nous remémorer les chansons des deux premières saisons de l'émission. Ça va commencer tout de suite avec Magellan Dream de Paul David. Like a bird, it's a dream, dream, dream, dream, dream. It's a Magellan dream, watching the world. Like a bird, it's a dream, dream, dream, dream, dream. It's a Magellan dream. It's a Magellan dream. Watching the world just like a bird. It's a dream, dream, dream, dream, dream. It's a Magellan. We'll be right back. Tu sais, le venin, ça ne sert à rien. Quitte à se mouiller, autant préférer l'eau dans le vin. Lâche ton commentaire. Tu sais, là, c'est si facile. Et la critique si difficile. Toi, t'as du sens et du flair. Lâche ton commentaire. Tu sais bien mieux que tout le monde ce qui est ou pas de la bombe. Mais pour ce qui est de la grammaire, c'est sans commentaire. Alors évidemment, on ne peut pas donner tort à Orkoska, ça lâche ton commentaire. Vous avez sans doute découvert Claire Ciel dans La Courte Échelle, dans les premiers numéros de La Courte Échelle. Toujours est-il qu'elle fait son bonhomme de chemin tranquille et que le succès est de plus en plus au rendez-vous avec notamment Normal People. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Avec le groupe The Lone Riders, nous avons pris, si je puis dire, le train en marche, puisque leurs titres sont sortis en 2018. Ils nous viennent de Richmond, en Virginie. Et voici notamment Down to a Well. La chanteuse Terre Brune se définit elle-même comme la pirate ténébreuse rebelle au cœur tendre et elle a sorti son premier EP en début 2019. On va l'écouter avec la passerelle des souvenirs. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu ne crois plus mes histoires. Tu préfères te coucher tard. Café et idées noires. Hier, tu t'endormais chevalier. Songeur dans ton lit fortifié. Tes rêves plein la couette. C'était super chouette. Vivement demain, tu seras un indien. Qu'est-ce que tu me dis? Tu n'es pas à la hauteur. Tout te terrifie. Ton ombre te fait peur. Hier, tu étais un corsaire. Pirate, voguant sur toutes les mers. Des monstres plein les mains. Tu n'avais peur de rien. Vivement demain, prendra notre bain. Qu'est-ce que tu me chantes encore, toujours la même rengaine. À chaque problème, des solutions en or. Hier, tu étais Cendrillon, l'araignée Indiana, Tarzan. Accroché dans les branches, en habit du dimanche, vivement demain, tu retrouveras tes copains. Tu vois, rien n'a changé, c'est toi qui m'as oublié. La balançoire toujours dans la cour, prête à faire des allers-retours. La passerelle des souvenirs entre le passé et l'avenir. Deviennent des gamins. Vivement maintenant, qu'on redevienne des enfants. Les jours et les années, comme si l'absence était moins lourde quand on arrête de compter. Je me souviens plus quel jour tu es parti, si c'était au printemps ou en été. D'ailleurs, les chiens font pas des chats, et je crois bien que je tiens ça de toi. T'oubliais les anniversaires, et puis ça sert à quoi d'y penser. Tu sais, le temps est une misère, il peut nous arracher. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie? Est-ce que tu serais fier de moi? Ce que j'ai raté, ce que j'ai bâti, mes luttes et mes combats. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie? Est-ce que tu serais fier de moi? Tu sais, même si ça fait longtemps aujourd'hui, je pense toujours à toi. Tellement de toi dans mes veines, même ce que je me jurais de ne jamais être. C'est comme un écho de ta voix, comme un refrain qui entête. Et quand je regarde les rides sur mon visage, c'est un peu de toi qui me reste. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie? Est-ce que tu serais fier de moi? Ce que j'ai raté, ce que j'ai bâti, mes luttes et mes combats. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie? Fier de moi, tu sais, même si ça fait longtemps, aujourd'hui je pense toujours à toi. Et tout ce qu'on n'a pas su se dire, tout ce qu'un père dit à son fils avant de partir, au fond de mon cœur il m'arrive de le lire en regardant mes enfants grandir. J'ai raté ce que j'ai bâti, mes luttes et mes combats. Que dirais-tu de ce qu'est ma vie? Est-ce que tu serais fier de moi? Tu sais, même si ça fait longtemps, aujourd'hui, je pense toujours à toi. Un artiste découvert dans la première saison de La Courte Échelle, Stéphane Paul, avec Que dirais-tu? Courte échelle. Chaque semaine dans votre radio, La Courte Échelle. Stronek a des artistes un peu particuliers, mais comme nous avons coutume de le dire dans cette émission, tous les styles sont représentés. Les voici avec Beau comme des robots. est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social. Et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi lorsque nous demandons aux gens de faire... Sur un air gracieux, on va vous relater l'avenir radieux de l'humanité. Des bébés aux vieux, tous concernés, mais dans le social, c'est merveilleux. Ça a commencé, ça a commencé. Pour remplir notre mission auprès de la population, appliquer les prestations sans se poser de questions. Pour éviter la confusion de ce qui se joue dans la relation, débrancher ses émotions, n'être plus qu'un pion. Tout le monde a son projet et toutes ses cases cochées, qu'il n'y a plus qu'à décocher quand tout est ok. Et toujours vérifier la courbe de normalité, toujours, toujours progresser, objectif chiffré. Combien de fois avez-vous déliré? N'oubliez pas vos cachets. Cerveau, juste de jambes et quelques mots. Nous sommes beaux comme des robots, néo-travailleurs sociaux. Plus besoin de cœur ni de cerveau, juste de jambes et quelques mots. Nous sommes beaux comme des robots, néo-travailleurs sociaux. Combien de fois avez-vous fait caca? Combien de fois avez-vous fait caca? Gravé sur le disque dur, l'ensemble des procédures tirées de la brochure. Et toujours se mettre à jour, se connecter aux nouveautés. Comment dire bonjour, comment se comporter? Petite à dire bonjour, petit B souriez. Dans les muscles ramollis, implanter des mécaniques reliées à des batteries pour courir plus vite. Une caméra microscopique greffée dans le nerf optique et un cerveau en plastique guidé par satellite. Allô, allô, la base, point d'entrée, cette longitude 9, sujet menaçant. Juste de jambes et quelques mots. Nous sommes beaux comme des robots, néo-travailleurs sociaux. Plus besoin de cœur ni de cerveau, juste de jambes et quelques mots. Nous sommes beaux comme des robots, néo-travailleurs sociaux. Allô, allô, la base, point d'entrée 7, longitude 9, sujet menaçant. Sommes-nous dans le même registre avec le bal des pantins de Stéphanie Ridel? Je vous laisse écouter le titre, on en discute après si vous le voulez bien. Bienvenue au bal des pantins, la Allez, tout à fait autre chose maintenant. On en a beaucoup parlé dans les deux premières saisons de La Courte Échelle. La comédie musicale L'Apprentie Rêveuse nous propose Transmettre le rêve et c'est chanté par Jean-Marc Rubillard. Un petit coucou à Jean-Charles Desmoulins qui a écrit les paroles de cette comédie musicale. Au cœur de la forêt se trouve un endroit magique qui abrite un secret fabuleux et fantastique. Un arbre au pouvoir étrange nous racontera son histoire, vous fera caresser les anges si vous respectez sa mémoire. Ce petit pommier a envie de nous parler. Ce petit pommier, son secret veut partager. Transmettre le rêve au plus profond de votre âme. Transmettre le rêve et rallumer la flamme. Comme l'arbre à sa sève, faire battre votre cœur. Comme l'arbre à sa sève, vous nourrir de bonheur. Tout au fond de la forêt se cache une petite merveille. Livrera son secret, les sentiments qu'il éveille. Cet arbre au pouvoir étrange venu du pays des hommes a relevé le challenge d'être accepté mais sans somme. Ce petit pommier, son sourire veut partager. Ce petit pommier, son cœur toujours en été. Transmettre le rêve au plus profond de votre âme. Transmettre le rêve et rallumer la flamme. Comme l'arbre à sa sève, faire battre votre cœur. Comme l'arbre à sa sève, vous nourrir de bonheur. Venant du pays des hommes, faire accepter sa différence. Venant du pays des hommes, trouver un ami, quelle chance. Pour entrer dans la forêt, il a su convaincre ses frères. Pour vivre dans la forêt et transmettre les rêves dans la terre. Transmettre le rêve au plus profond de votre âme. Transmettre le rêve et rallumer la flamme. Comme l'arbre à sa sève, faire battre votre cœur. Comme l'arbre à sa sève, vous nourrir de bonheur. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Vous avez découvert Julien Pastor dans l'émission hebdomadaire de La Courte Échelle qui vous présente les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. Eh bien, le voici dans ce hors-série avec Tout ce que tu es. J'ai tenté de me raccrocher à toi, sans prendre conscience des risques, j'ai fini par ne penser qu'à moi. Sache que tout ce que j'ai pu te dire, oh, que je voulais y croire. Mais penses-tu vraiment que mentir aurait fait fuir la fin de notre histoire? Les mots permettant de voir à quel point je pouvais blesser. Et même si c'est noir, il n'est jamais trop tard pour comprendre lorsque tu me disais. Et pourtant je t'aime en crever. permettant de voir à quel point je pouvais blesser. Et même si c'est noir, il n'est jamais trop tard pour comprendre lorsque tu me disais. Et pourtant Adonis dans mon œil, deux verres, deux comme deux bien sûr, deux verres. Daniel Jubeau aussi, vous l'avez sans doute découvert dans La Courte Échelle, voici les couleurs du tableau. Dans le Sahel, il est tout sec, tout chiffonné. Que voulez-vous? veux-tu que je te dise? Moi j'aurais voulu le garder comme une fleur dans un micelle qu'on prépare à l'éternité. Mon amour a du plomb dans l'air, un autre l'a foulé aux pieds et il t'a fait pousser des ailes que j'avais pas su te donner. Que voulais-tu que je te dise? Moi j'aurais pu t'en accepter, mais pas ces petits jeux cruels où l'on devrait tout partager. Et le temps fait pâlir les images des photos, atténue les couleurs du tableau. Il emporte avec lui au fil de chaque jour nos plus belles histoires d'amour. Mon amour a du plomb dans l'air et j'ai des bleus pleins les idées. Je suis tombé de mon échelle où notre amour m'a fait hisser. Que voulais-tu que je te dise? Je t'aimais d'un amour entier à redresser la tour de Pise, mais pour toi c'était pas assez. Écoutez La Courte Échelle chaque semaine, des talents à découvrir. Ne vous fiez pas au titre, Bird from Paradise, c'est chanté en français par Rose des Vents. Je me suis couché à l'ouest pour me retrouver dans les rayons couleur d'or. Je me suis pourtant levé à l'est où je t'ai aimé. J'ai conduit jusqu'à en perdre le nord. Je me laisse porter par la douceur de nos au revoir. Avancer, reculer, sans faire demi-tour et recommencer. Passer par les quatre chemins. Thank you. Galoche, c'est un duo, ensemble à la vie comme à la scène, les voici avec la chamade. Se brise avant que tout n'explose. Serre-moi fort si tu l'oses. Jeté en l'air et même pas rattrapé. Mon cœur est la cuisine de ma pensée. Mon cœur est en grillade, à moitié persillé. Je me mets à crier que mon cœur est bleu, saignant. Et va-t'en la chamade, bleu, saignant. Et va-t'en la chamade, bleu. As a matter of fact, you'd never want to reproduce at all. Rock, c'était celui de Not Your Animal et c'était Abracadabra. Nous avons accueilli dans la courte échelle le Dan Garibian trio, pratiquement en sa formation. Le voici pour terminer l'émission avec Da Svidaniya, madame. Da svidaniya, madam. Da svidaniya. Che uzei asetsez ais khoskere. Da svidaniya, madam. Da svidaniya. Men kabretsin kom poch migank mi kisherum. Da mer mi usher vor yerpek chi agodi Da svidaniya, madam. Da svidaniya. Chi uzei asetsez as khoskere. Da svidaniya, madam. Da svidaniya. נשמס אסם יס סק יס כל הזבור אנס קצניק מי אסין מדם ז'אמר עולה ומי הכבוס כנן תנור שר וסרן ויג'אגי אמבוי מנדם ג'אגד הקרי יבין כננץ ולמי נינש גבור אושי מי פורציר דר טרנל נרם וצ'ין חוס כמישנג עשי C'est ici que s'achève ce hors-série de la courte échelle. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que tous ces titres que nous avons sortis pour vous de la discothèque de l'émission vous ont plu. On se retrouve très bientôt. En attendant, on se retrouve également très bientôt pour la courte échelle, l'émission hebdomadaire qui vous fait découvrir les nouveautés de la scène indépendante internationale. Portez-vous bien et soyez heureux. Met keres merushelovlits Genkes datarke kezenovay torvanits Dasvidanie madam Dasvidanie Я люблю тебя мадам Dasvidanie La courte échelle